Allô, Catherine ? C'est Célia. Célia ? Ah, oh, comment ça va ? Tu ne vas pas me croire. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai gagné un voyage pour deux personnes aux Antilles. Quoi ? Oui, tu as bien entendu. J'ai gagné un voyage pour deux personnes aux Antilles. Non, c'est une blague. Non, je t'assure, c'est tout à fait sérieux. Mais comment ? L'autre jour, j'étais au supermarché et quelqu'un me demande... Vous voulez gagner un voyage pour deux personnes ? Il suffit de remplir ce bulletin de participation. Je réponds, pourquoi pas ? Et après, j'ai complètement oublié cette histoire. Et puis, on m'a téléphoné tout à l'heure pour m'annoncer que j'ai gagné. Alors tu es sûre ? Tu as vraiment gagné ? Mais oui ! Formidable ! Une semaine à Pointe-à-Pitre. Où ? À Pointe-à-Pitre. Où est-ce que c'est ? C'est dans l'île de la Guadeloupe, dans les Antilles, dans la mer des Antilles, au nord du Venezuela. Excuse-moi, je suis très mauvaise en géographie. Ils parlent français là-bas ? Évidemment, c'est un département français. Ah oui, c'est vrai, on a appris ça à l'école. Alors, tu vas partir avec Simon, bien sûr ? Eh bien non, j'ai décidé de partir avec une bonne copine. Qui ? Mais toi, bien sûr ! Moi ! Génial !